Bonjour et bienvenue sur le podcast de Périple Humanitaire. Je suis Bertrand Roussard et mon parcours de vie m'a amené à me questionner sur la solidarité internationale, son histoire, ses différentes formes d'action, ses réussites et ses échecs. À travers une série d'interviews, je vous propose de découvrir le monde de l'aide humanitaire grâce à des acteurs de terrain. Hakim Kaldi, bonjour. Bonjour. Alors Hakim, tu es actuellement chargé d'études sur le Moyen-Orient et les groupes armés non étatiques pour Médecins Sans Frontières. Tu m'avais contacté et il se trouve que tu avais déjà témoigné dans un épisode de Première Ligne, le podcast de Médecins Sans Frontières qui a été diffusé avec Europe 1, dans un épisode sur la Syrie justement, où tu racontes une mission exploratoire un petit peu exceptionnelle, je dirais, à Alep, en Syrie. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter rapidement afin qu'on puisse connaître ton parcours ? Donc, je m'appelle Kaldi Hakim. J'ai commencé à travailler dans l'humanitaire en 2001 avec une petite organisation qui s'appelait Enfants du Monde, Droits de l'Homme, dont le président était Yves Vianney, à l'époque de Saddam Hussein, juste avant l'invasion américaine. Et avant ça, j'avais fait des études pour faire de l'humanitaire, parce que j'avais déjà, quand j'étais étudiant, le projet de faire de l'humanitaire. Donc j'étais passé par une école qui existe toujours, qui est à Bordeaux, qui s'appelle IFED Aquitaine, et en fait qui est une émanation du Bioforce de Lyon. Donc grosso modo, c'est des gens du CA de Bioforce à Lyon, qui voulaient travailler pas que sur l'urgence, qui voulaient faire aussi du développement. Et donc il y a eu une petite scission dans les années 80. Et donc ces gens-là ont été à Bordeaux et ont ouvert Bioforce Aquitaine, qui est devenu IFED Aquitaine. Donc j'ai fait cette école-là à l'époque parce que c'était une des rares écoles qui a amené au métier de l'humanitaire, sachant qu'elle était orientée développement. Mais même si elle était orientée développement, il y avait des ONG qui venaient se présenter à l'époque, à l'école. Et moi, j'étais tombé sur une vidéo qui s'appelle « MSF à cœur, à corps, à cri ». Et là, ça a été le coup de foudre pour Médecins Sans Frontières. Donc, je voulais travailler avec Médecins Sans Frontières, mais comme je n'avais pas assez d'expérience, j'ai dû passer par cette ONG qui s'appelle « Enfants du Monde, Droits de l'Homme » avant de rejoindre MSF, toujours en Irak, en 2003, suite à l'invasion américaine. D'accord, donc ça c'est ta première expérience, tu démarres tout de suite sur un terrain en guerre. Qu'est-ce que tu faisais exactement dans cette petite ONG Enfants du Monde, Droits de l'Homme ? Dans cette ONG, j'étais responsable logistique, et même si c'était une petite ONG, on soutenait 54 instituts à travers tout l'Irak, donc des instituts spécialisés dans la prise en charge d'enfants handicapés, des instituts pour enfants sourds et muets, des instituts pour enfants aveugles, il y avait aussi des orphelinats, donc ça m'a permis de parcourir le pays du nord au sud. Donc pendant un an et demi, j'ai distribué de la nourriture dans ces instituts, des vêtements, des fournitures scolaires à la rentrée scolaire. Et c'était l'essentiel de notre activité. Sachant qu'à côté de ça, Enfants du Monde, on avait un projet Enfants des rues à Bagdad. Ça, c'était une autre personne qui le gérait. Et on avait une équipe qui réhabilitait les structures qui accueillaient les enfants. D'accord, ok. Donc ça te fait déjà une bonne première expérience. Et ensuite, tu pars avec Médecins Sans Frontières. Est-ce qu'il y a... on sent tout de suite la différence d'action, de type d'action, des moyens qui sont mis en œuvre quand on intègre une grosse ONG comme Médecins Sans Frontières ? Mais déjà, la grande différence qu'il y a eu, c'est que quand j'étais avec Enfants du Monde, donc il y avait déjà la pression des Américains d'envahir l'Irak. C'était un pays qui était sous embargo, où la population subissait de plein fouet les conséquences de l'embargo. Donc il y avait pas mal de pauvreté dans le pays. Et quand je bascule avec Médecins Sans Frontières, je bascule directement dans ce qu'on appelle les zones de conflit, donc les conflits armés. Et donc là, oui, là, il y a un grand contraste parce que, on était 5 ONG internationales à Bagdad. En 2003, là, on se retrouve, moi je me retrouve avec MSF, mais je vois aussi tout ce qu'on appelle communément le cirque humanitaire, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être une centaine d'organisations internationales qui débarquent tout à coup dans le pays. Ouais, donc ça a été un énorme changement par rapport à mes premières années d'expérience. Quand tu parles de cirque humanitaire, est-ce que tu peux préciser ce qu'on entend par là ? Alors, ce qu'on appelle le cercle humanitaire, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme un peu péjoratif? C'est le fait qu'il y a un nombre conséquent d'organisations qui arrivent sur le même pays, qui sont basées souvent en capitale. Donc, c'est un environnement dans lequel il n'y a pas forcément énormément de besoins et où tout le monde essaie de répondre à ce qu'il peut et de façon pas forcément coordonnée. Et du coup, on se retrouve dans une situation où, pour citer des exemples concrets, nous, MSF, on fait une évaluation dans un quartier pauvre de Bagdad. Il y a déjà une ONG qui passe avant nous. Il y a d'autres ONG qui passent après nous. Donc, il n'y a aucune coordination et donc personne n'est au courant de qui fait quoi. Et donc, il n'y a pas de bureau, de cluster des Nations Unies qui permet de s'asseoir tous ensemble et de se dire, ah ben, dans le domaine médical, il y a tant d'organisations et chaque organisation intervient dans tel endroit et dans tel secteur. Donc voilà, en gros, c'est une pagaille et un désordre humanitaire. Au-delà de l'Irak, tu fais ensuite d'autres missions? Tu pars toujours avec Médecins Sans Frontières, c'est ça? Oui, après, ça a été toute une partie, quoi, une grande partie de ma carrière humanitaire. Voilà, j'ai enchaîné sur une dizaine d'années en tant qu'expatrié. C'est-à-dire que ma vie pendant 10 ans après, ça a été de faire des missions avec Médecins Sans Frontières sur différents pays et différents contextes d'intervention. Alors tu parles de différents pays, différents contextes d'intervention, beaucoup au Proche-Orient, ou dans des zones de guerre. Tu m'as dit que tu avais travaillé au Tchad sur la crise du Darfour, à Gaza, au Pakistan, la Syrie, la Mauritanie, l'Irak. Donc beaucoup de pays où il y avait énormément de conflits. Tu m'as parlé aussi de la Libye, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, bon, moi, c'était une époque où on choisissait pas ses pays de destination. Donc, moi, ma carrière, en fait, elle s'est construite avec la première décennie de l'année 2000. Donc, il y avait une cyclone Jeanne qui frappe Haïti, donc des inondations. Je vais en Haïti. Je reviens et on me propose de partir Darfour pour répondre à la crise du Darfour depuis le Tchad, parce que il y avait pas mal de Soudanais qui avaient trouvé refuge dans des camps au Tchad. Donc ça, c'était conflit armé. À un moment, on me demande d'aller au Pakistan parce qu'il y a un tremblement de terre au Cachemire. Et après, bon, ça s'est surtout fait sur des zones de conflit, beaucoup plus que des catastrophes naturelles. Toi, tu es au Tchad à la même période où il y a eu l'histoire de l'affaire de l'Arche de Zoé? Alors non, moi j'ai été au Tchad en 2003-2004, donc pour les réfugiés du Darfour, et après je suis parti au Soudan en 2007. Et cette histoire, c'était entre cette période, si je me rappelle bien, donc entre 2006-2007, 2004 et si je me souviens bien. 2007. C'est 2007? 2006-2007. Voilà, mais c'était ouais, j'ai dû cette histoire d'Arche de Zoé, ça s'est passé entre mes deux missions avec les Soudanais du Darfour. Ouais, événement un peu marquant dans l'histoire récente de l'humanitaire, si je puis dire, en tout cas, qui avait déjà donné une mauvaise image parfois de certaines actions qui étaient, pour le grand public, hein, considérées comme de l'humanitaire, alors que c'était justement tout l'inverse d'un programme humanitaire. Pour le résumer simplement, c'était d'habitude on parle d'instrumentalisation de l'aide. Là, pour le résumer simplement, c'était une instrumentalisation des donateurs et des bénéficiaires. Donc, grosso modo, ils ont fait passer des enfants tchadiens pour des orphelins soudanais. Et donc, ils ont promis à des familles qui voulaient adopter des enfants, donc des familles qui étaient en France, mais ils leur ont promis des orphelins soudanais. Donc voilà, alors qu'en fait c'était des Tchadiens. Tout ça en a informé les autorités locales. Et ils sont d'ailleurs fait arrêter et condamnés en Oui, France et au Tchad. emprisonné au Tchad et après jugé aussi en France. Exactement, ouais. Exactement. Et donc tu parlais de détournement de LED. Toi, tu peux préciser déjà ce que c'est, ce qu'on appelle ce détournement-là? Alors, détournement de LED pour donner une image un peu générale, sans rentrer dans les détails, grosso modo, dès qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre sur des grosses crises, il y a quasiment de façon systématique ce qu'on appelle détournement de LED. Pour donner un exemple concret, si des organisations internationales interviennent pour faire de la distribution de nourriture dans un camp de réfugiés qui est assez conséquent, on sait que, par expérience, derrière, soit un groupe armé, soit un État, soit une ethnie qui est massivement représentée dans ce camp de réfugiés, va ponctionner une partie de cette aide. Pour donner un exemple encore plus concret d'actualité d'aujourd'hui, je prends l'exemple du Yémen, où le PAM, le Programme alimentaire mondial, a mis en œuvre une de ses plus grosses opérations d'aide alimentaire de l'histoire. Et c'était en 2019, si je me rappelle bien, il y a le responsable du PAM qui a carrément fait un article, donc ça peut se retrouver sur Internet, il a fait un article pour dénoncer le fait que les Houthis détournaient une partie de cette aide alimentaire, et donc l'aide alimentaire qui détournait, elle était réutilisée pour l'effort de guerre, c'est-à-dire pour recruter des gens surtout des jeunes dans les zones qu'ils contrôlent pour se battre face à l'armée yéménite. Ok, ouais, c'est un excellent exemple. Pour rappel, les Houthis, c'est une des parties au conflit au Yémen, hein. Voilà, qui contrôle le nord du Yémen et qui se battent contre le gouvernement yéménite officiel, on va dire, qui est supporté par la communauté internationale et aidé militairement par la coalition saoudienne. Et donc c'est une situation aussi particulière parce que les Saoudiens, c'est les principaux bailleurs de l'aide au Yémen. Et donc on se retrouve dans un espèce de cercle vicieux parce que le principal bailleur des grosses agences onusiennes, dont le PAM, finalement, finance indirectement les Houthis à travers le fait que l'aide alimentaire est détournée par les Houthis dans le nord du pays. Zone d'ombre et zone de lumière de l'aide humanitaire, là justement, Exactement. on est en plein dedans. Exactement. Donc voilà, c'est un de ces aspects où on va décrire un conflit, donc le Yémen en l'occurrence, avec une des plus grosses opérations historiquement parlant du programme alimentaire, donc d'aide alimentaire dans un conflit, donc le Yémen. Le principal bailleur de fonds, l'Arabie Saoudite, donc le principal bailleur de fonds de l'aide humanitaire au Yémen, donc ça c'est la lumière. Et dès qu'on passe du côté ombre, en creusant un peu pour les gens qui s'intéressent et qui travaillent au Yémen, ben on se rend compte qu'une partie de cette aide alimentaire elle est détournée par les Houthis. Et on se retrouve dans ce paradoxe où l'Arabie saoudite qui combat les Houthis au Yémen les finance indirectement à travers l'aide humanitaire. Et donc une autre partie de ce conflit, c'est le fait que parce qu'on pourrait se demander, mais pourquoi les Saoudiens n'arrêtent pas de financer l'aide humanitaire? Mais justement, ils font attention à ce qu'on appelle le risque image. Donc, ils veulent pas avoir l'image de leur pays qui est dégradée dans le monde. Et donc, pour pas que le pays sombre dans une espèce de chaos économique dans lequel il est déjà, mais surtout qu'il sombre dans la famine, ben, ils sont, d'un côté, obligés de financer massivement l'aide humanitaire. Sachant qu'au Yémen, il n'y a pas de famine, mais il y a toujours un narratif, quand il y a des demandes de financement pour l'aide humanitaire, sur le narratif suivant qui dit risque de famine au Yémen. Ouais. Pour rappel, le Yémen, c'est une des plus graves crises humanitaires actuelles, et c'est un pays qui est en pleine guerre. Enfin, c'est un conflit qui perdure encore aujourd'hui, et je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra en voir l'issue. Ouais, ça c'est la grande question. Je vois aussi que tu as été coordinateur projet choléra en Haïti en 2010. Alors, pour rappel, en 2010, un immense tremblement de terre touche Haïti. Et juste derrière, une crise de choléra, enfin une épidémie de choléra se propage sur une partie de l'île. Quand tu parlais de cirque humanitaire tout à l'heure, Haïti est un exemple phare quand on parle de ce circuit humanitaire? Oui, Haïti, oui, alors en 2010, oui, alors le problème qu'il y a eu, toujours dans ce narratif de circuit humanitaire, c'est qu'il y a pas mal d'argent, hein, qui est mobilisé pour répondre, d'une part, au tremblement de terre et après pour la crise du choléra. Et donc, voilà, dans la question de tout ça, dans la réponse humanitaire, c'est à qui bénéficie de cette aide. Et on se rend compte qu'il y a pas mal d'organisations, pas mal de grosses organisations qui tirent plus d'avantages financiers que les Haïtiens eux-mêmes, qui sont les premiers affectés par le tremblement de terre déjà au début de l'année 2010 et après par la suite à la fin de l'année affectés par l'épidémie de choléra. Et pour éclairer un peu ce genre de situation, c'est ce qui s'est passé en République démocratique du Congo avec Ebola. Donc il y a eu une épidémie d'Ebola là récemment, hein, au Congo. Il y a pas mal de millions de dollars qui ont été déversés sur le Congo, qui ont surtout bénéficié aux agences onusiennes. Et il y a eu un tel scandale que il y a des Congolais qui ont commencé à faire des attaques sur des agences onusiennes au Congo, parce que ils voyaient pas un centime de tous ces millions de dollars qui étaient déversés pour répondre à la crise, et surtout, il y avait de grosses difficultés pour répondre à cette épidémie d'Ebola, qui est une maladie qui a pas mal de connotations négatives au sein des populations. Il y a pas mal de fausses croyances sur comment on attrape Ebola, comment Ebola se transmet de personne à personne. Et donc les gens, ils ont eu écho des budgets qui avaient été alloués à la réponse Ebola. Et comme ils n'en voyaient pas la couleur, et comme ils en, et par rapport aux chiffres qui étaient assez importants, ils ont manifesté leur hostilité de façon violente, en s'en prenant aux organisations humanitaires. C'est un phénomène nouveau, ça, que les populations se manifestent à ce point leur défiance vis-à-vis des instances humanitaires? Un phénomène nouveau. Moi, j'ai pas assez de recul pour dire si c'est un phénomène nouveau, mais moi, de ma courte expérience dans l'humanitaire, hein, j'ai rarement entendu que des populations s'en prenait par exemple à des centres de prise en charge. J'ai rarement vu ça parce que ça a été très très loin. C'est pas juste s'en prendre. Il y a des gens qui sont, il y a des du personnel qui travaillait pour des ONG, qui étaient dans des centres de prise en charge, donc qui ont été attaqués, mais qui ont été aussi tués. Nous, ce qu'on a l'habitude de voir au niveau de la violence, c'est en zone de conflit, des acteurs du conflit, que ce soit des groupes armés non étatiques ou des États, avec une puissance aérienne qui vont bombarder ou attaquer des structures médicales. Ça, historiquement parlant, ça a toujours existé. Mais le cas d'Ebola au Congo, moi, j'ai rarement entendu ce genre de choses des populations, donc qui s'en prennent à des centres de soins et qui tuent le personnel qui travaille pour des organisations humanitaires. Ouais, effectivement, là on est sur un vrai problème d'acceptabilité de l'action humanitaire. Comme tu disais, qui peut être aussi très spécifique, ou en tout cas qui peut s'expliquer par la spécificité des épidémies d'Ebola. Ce qui est encore différent, effectivement, de ce que toi tu connais bien, a priori, les conflits armés. Ouais, c'est les contextes dans lesquels je suis le plus souvent intervenu, c'est des contextes sur lesquels j'ai le plus réfléchi. Je suis plus orienté conflit armé que catastrophe naturelle et épidémie, si je devais préciser. Alors, justement, sur les conflits armés, il y a un conflit que tu connais particulièrement bien, sur lequel tu es intervenu et sur lequel tu as réfléchi et tu as même écrit un article dessus, c'est la Syrie. Oui, la Syrie, c'est une guerre civile que je suis depuis le début. Je la suivais par intérêt en 2011. Je me suis rendu pour MSF, donc faire une mission exploit en 2012. Et depuis que je travaille au siège à Paris, j'arrête pas de suivre ce contexte et parfois faire des visites de terrain, donc aller en Syrie. J'ai été pas mal de fois sur le terrain en Syrie depuis le début du conflit, ce qui m'a permis notamment d'écrire cet article. Alors pour ceux que ça intéresse, tu racontes, et le podcast est très bien fait, donc je le recommande vraiment d'aller sur le podcast qu'avait fait Médecins sans frontières en partenariat avec Europe 1 qui s'appelle Opération clandestine dans le chaos syrien, où tu racontes justement une opération clandestine. Alors sans en dire trop pour que les gens aient quand même envie d'aller écouter cet épisode, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes quelles sont les spécificités de cette première mission d'exploration que tu fais avec MSF en Syrie? Ben, grosso modo, nous, on avait commencé à intervenir en zone rebelle, en Syrie, depuis la Turquie, comme le faisait et comme le font toujours pas mal d'organisations internationales, mais aussi des organisations syriennes. On avait ouvert un hôpital clandestin en Syrie, proche de la frontière turque. Et le 19 juillet 2012 éclate la bataille d'Alep. Donc c'est un conflit qui est très présent sur les réseaux sociaux, le conflit syrien, depuis le début. Donc on peut voir pas mal d'images diffusées par différents acteurs. Et donc quand éclate la bataille d'Alep, on voit très vite que les groupes rebelles prennent pas mal de terrain, donc pas mal de quartiers, surtout les quartiers sud. Si je me rappelle bien, c'était les quartiers sud-ouest de la ville d'Alep. Et dès les premières semaines, on voit qu'il y a un nombre important de victimes, donc des combattants, mais aussi des civils. Et on n'a pas tant que ça d'afflux de blessés qui viennent sur notre structure qu'on avait déjà ouverte avant le début de ce qu'on appelait la bataille d'Alep. Et donc là se pose la question de savoir où vont ces blessés, où ils sont soignés, comment. Voilà, Et de là. malgré l'ampleur du conflit et des victimes, vous, à l'hôpital où vous étiez, vous ne voyez pas arriver ces blessés et ces victimes. Voilà, on en a que très peu qui arrivent chez nous, et donc on se pose la question comment sont soignés les blessés à Alep, par qui. Et donc on décide de lancer une mission exploratoire pour envoyer deux personnes, donc Jean-Révin Bradol et moi-même, pour, ben, en gros, c'est faire une enquête, hein, c'est faire une enquête sur quelle structure existe, comment sont pris en charge les patients, jusqu'à quel niveau de soins ils peuvent être pris en charge, et donc répondre aux questions qui nous permettront de savoir pourquoi ces blessés finalement n'arrivent pas chez nous. Sachant que là, il faut que j'apporte une précision. Nous, en général, Médecins sans frontières, dans un conflit armé, on va pas sur la ligne de front soigner des blessés, parce qu'il faut garantir la sécurité de nos équipes. Et donc, pour travailler dans des conditions de sécurité, on se met en périphérie d'une ligne de front. Et on met en place tout un système qui permet d'acheminer les blessés vers la structure de prise en charge. Déjà, est-ce que ça existe encore des organisations qui interviennent vraiment sur ces zones de conflit? Je pense par exemple au CICR qui historiquement s'est construit là-dessus, le Comité international de la Croix-Rouge. Est-ce que eux-mêmes interviennent encore sur ces zones de conflit? Le CICR, c'est un cas particulier parce que le CICR, ils ont un mandat international, un mandat que nous, on n'a pas, les ONG, par rapport aux conventions de Genève, qu'on peut appeler communément le droit de la guerre. Et donc, à partir du moment où un pays a signé les conventions de Genève, il y a une légitimité pour le CICR d'intervenir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le CICR n'a pas... Les activités médicales, c'est pas le fer de lance du CICR. Le CICR, il va surtout intervenir dans des zones de conflit, donc dans des pays qui ont signé les conventions de Genève, pour rappeler le droit, ce qu'on appelle le droit humanitaire international, rappeler les droits et les devoirs des acteurs dans des conflits, pour faire ce qu'on appelle aussi de la protection de certains, donc des civils, quoi, de certaines catégories de personnes qui subissent ou qui sont acteurs des conflits. Mais eux, les activités médicales, c'est pas leur fer de lance, contrairement à MSF, où l'activité médicale, c'est vraiment l'activité phare qu'on va mener en zone de conflit ou en zone de catastrophe naturelle, où là, il y a des épidémies ou des problèmes de migration. Et donc le CICR, à travers la Convention de Genève, il se retrouve sur la ligne de front, effectivement. Moi, j'ai différents exemples où le CICR s'est retrouvé entre deux acteurs d'un conflit, donc entre les délégués du CICR étaient pris entre deux feux, et il y a souvent des délégués du CICR qui meurent sur des lignes de front. Ça arrive. Donc eux, ça leur arrive d'aller sur la ligne de front. Je t'ai coupé, tu expliquais que justement Médecins sans frontières, vous étiez plutôt en périphérie, et donc c'était ça un peu la particularité, et là vous ne voyez pas arriver les victimes, et donc vous menez votre enquête pour essayer de comprendre où étaient transportées finalement ces victimes au conflit. Oui, sachant que bon, je vais pas spoiler le podcast, mais dans le podcast, bon, je raconte très bien, hein, même quand on va à Alep, nous on va sur les structures de soins existantes. Donc, grosso modo, comment c'est organisé, c'est un peu organisé de la même façon pour quasiment tous les conflits. Il y a ce qu'on appelle des postes médicaux, un poste médical avancé. C'est la structure de stabilisation des blessés qui est la plus proche de la ligne de front. Et à partir de ce poste médical avancé, après, il y a un système d'ambulance qui fait que les patients sont référés vers une structure un peu plus en arrière de la ligne de front, donc un peu plus protégée. Grosso modo, c'est très souvent comme ça que ça s'organise. Et donc, voilà, c'est ce que je raconte dans le podcast. Dans ce que tu racontes, justement, à un moment donné, moi, c'est ça qui m'avait marqué dans l'histoire que tu rapportes, c'est les risques sécuritaires que vous êtes capable de prendre pour justement essayer de trouver où vont ces blessés, pour finalement se rendre compte comment est organisé ce réseau de soins sur cette zone du conflit. Là, on est vraiment dans la part d'ombre et dans les choix vraiment d'engagement que les humanitaires doivent prendre pour pouvoir intervenir. Pour parler de la part de lumière de cette intervention, on appelle ça dans le jargon humanitaire une mission exploratoire. En général, les gens qui mènent des missions exploratoires dans toutes les ONG internationales et même non international, c'est des gens qui ont un peu d'expérience parce que voilà, faut sentir les choses, il y a certaines choses qu'il faut anticiper, etc. La grosse part d'ombre d'une mission exploratoire, c'est qu'on ne sait pas à quoi on va faire face. Et donc, on va se baser sur notre expérience pour faire face à l'imprévu. Après, il y a pas mal de choses qui relèvent de l'expérience. Il y a des gens de confiance sur lesquels on va s'appuyer. Il y a des réflexes qu'on a acquis parce que voilà, on a fait plusieurs missions et on s'est déjà retrouvé dans d'autres zones de conflit qui sont quasiment similaires, hein, même si on change de zone géographique ou de pays. Et donc la grosse part d'ombre, c'est finalement à quoi on va faire face, comment on va y faire face, et le tout en sachant que dans une mission classique, je veux dire par là une mission classique, quelqu'un qui part en mission, même en zone de conflit, en général, l'organisation humanitaire a tout un système et des procédures de sécurité. Donc les gens sont briefés, les risques sont déjà identifiés. Avant que les gens aillent sur le terrain, on leur dit, bon voilà, les risques auxquels vous allez faire face, c'est un tel, un tel, un tel. Les mesures de protection qu'on a mis en place pour nos équipes sur le terrain, elles sont un tel, un tel, un tel. Et donc il y a ce qu'on appelle un guideline sécu et des procédures à suivre au cas où les choses évoluent. Là, il n'y a aucune règle de sécurité. Il n'y a aucune règle de sécurité parce que justement c'est de l'imprévu et on peut rien anticiper. Et en grosso modo, c'est surtout avec les rencontres qu'on va faire et donc les gens, les locaux, c'est surtout eux qui vont gérer notre sécurité. Et pour ceux qui écouteront le podcast, ils verront comment ça s'est déroulé. Mais moi, in fine, quand je rentre à Paris, si on m'avait demandé de repartir à Alep, après avoir fait cette mission expo, j'aurais pu repartir à Alep, mais en prenant beaucoup moins de risques que ce qu'on a pris. Grosso modo, après la mission expo, je sais comment rentrer depuis la Turquie en Syrie directement en zone rebelle et après aller rejoindre Alep sans passer par la zone gouvernementale comme on a fait dans le podcast. Mais ça, je ne savais pas avant. Je le savais pas avant parce que voilà, c'est en allant sur le terrain qu'on découvre, in fine, mais la réalité de tout ce réseau d'activistes, des structures et la façon dont sont organisés système de soins et les secours. Et donc quand tu parles de zone d'ombre, est-ce que finalement les humanitaires sont obligés de louvoyer, de passer par certaines portes, de parfois contourner certains droits pour pouvoir justement accéder aux bénéficiaires? Mais, alors si je reste sur le conflit syrien, parce que le conflit yéménite, c'est complètement différent. La difficulté du conflit syrien, pourquoi il faut faire ce qu'on appelle des opérations clandestines, traverser la frontière comme je la raconte dans le podcast, pourquoi on est amené à faire tout ça? La raison principale, c'est que, bon, déjà, que ce soit en zone rebelle ou en zone gouvernementale, nous, notre action, elle est basée sur les besoins. C'est ça qui va guider notre action. Donc, il y a un conflit armé, il y a des civils, mais aussi des combattants qui sont blessés. Nous, notre portefeuille de service, si je peux le dire comme ça, c'est le soin médical. Donc, nous, c'est ce qu'on va amener en zone de conflit. La spécificité de la Syrie, c'est que on intervient en zone rebelle, sachant que le gouvernement, quand on l'a sollicité pour intervenir en Syrie, mais il a refusé notre intervention. Donc on ne peut pas intervenir en zone gouvernementale, on ne peut pas passer par la zone gouvernementale de façon officielle pour intervenir en zone rebelle. À l'époque où on y va en 2012, les plus gros besoins sont en zone rebelle. Du coup, pour intervenir en zone rebelle, ben, il faut faire des activités clandestines, passer la frontière de façon illégale comme on l'avait fait en 2012, et trouver des alliés qui vont être surtout des Syriens, parce que eux, ils ont la connaissance du terrain. Nous, en général, ce qu'on recherche comme alliés, c'est surtout des acteurs médicaux. C'est ce qui s'est passé dans le podcast. Notre principal allié, c'est un médecin syrien d'Alep, qui a l'habitude de d'amener de l'aide depuis la Turquie jusqu'à Alep et qui connaît tout le monde. Donc c'est une personne qui nous ouvre toutes les portes finalement. Après, en zone de conflit, la problématique auquel il faut faire face, donc toujours en zone rebelle, c'est qu'il y a des acteurs armés et forcément il faut négocier avec ces acteurs armés. Et qu'est-ce qu'on va négocier avec ces acteurs armés? C'est un, l'accès aux bénéficiaires, donc aux besoins. Et deux, une protection. Une protection, ça, si, ce qui se négocie, c'est la protection, donc la sécurité de nos équipes et des structures médicales. Dans ce que je raconte là, dans ces négociations, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, parce qu'on se retrouve toujours autour d'intérêts convergents. Les acteurs armés, ils ont une population qui est sous leur contrôle, parce qu'ils contrôlent un territoire. Ces populations ont un besoin de services de base. Parmi ces services de base, il y a besoin de soins médicaux et nous, on vient offrir ce service. Donc l'acteur armé, il nous autorise pas à intervenir parce qu'on s'appelle MSF, parce qu'on est une ONG internationale ou parce qu'on affiche des principes de neutralité, d'impartialité ou d'indépendance. Pas du tout ça. Il nous accepte parce que on se retrouve sur cet intérêt convergent qui est le fait qu'on amène des soins de santé gratuits. On va prendre en charge les besoins des populations et ce groupe armé contrôle un territoire sur lequel il y a des populations qui ont des besoins de base, notamment des besoins médicaux. Voilà pour le résumé. Dans la connaissance que tu as toi maintenant de donc je rappelle ton poste hein, tu es sur chargé d'études sur le Moyen-Orient pour Médecins sans frontières sur les groupes armés non étatiques, c'est ça? Oui, c'est ça, les groupes armés non étatiques. Est-ce que tu peux expliquer concrètement quel est ton rôle au sein de cette ONG à ce poste-là? Alors, mon rôle, quoi. En fait, moi j'ai rejoint le siège de MSF à Paris en 2015 dans une unité qu'on appelle Conflits armés transnationaux, qui a été créée sur le diagnostic suivant: les acteurs non étatiques, notamment les groupes djihadistes, Al-Qaïda, mais surtout l'État islamique, parce que là, c'était vraiment l'avènement de l'État islamique. Ces acteurs armés nous posent de plus en plus de problèmes sur le terrain. Ils réduisent notre espace de travail parce que ben, ils limitent notre accès et parce qu'il nous expose à des problèmes de sécurité, notamment le problème du kidnapping. Donc c'est parti de ce diagnostic, notre espace de travail qui est réduit à cause de la présence des acteurs. En même temps, il y avait le diagnostic pointait le fait qu'il y avait un déficit au sein de Médecins sans frontières sur la connaissance de ces groupes. Pour le dire de façon un peu vulgaire, quoi, pour le vulgariser, hein, pour que les gens comprennent, grosso modo, les gens chez MSF qui intervenaient en zone de conflit, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, quand ils voyaient un acteur armé avec une barbe, ils disaient un barbu. Sans faire la distinction entre un groupe armé qui est affilié, on va dire, aux frères musulmans, un groupe armé qui est laïque, comme certains combattants de l'armée syrienne libre, mais qui vont avoir des attributs qui pourraient laisser penser qu'ils sont affiliés religieusement, des groupes armés qui se revendiquent d'Al-Qaïda, des groupes armés qui se revendiquent de l'État islamique, parce qu'il y a des différences entre tous ces groupes, même entre Al-Qaïda et l'État islamique, qui sont des groupes djihadistes, il y a aussi des différences. Donc voilà, il y avait un déficit de connaissance de ces groupes, et donc nous, notre travail, il a consisté à faire un travail d'acculturation au sein du département des opérations de Médecins sans frontières pour, grosso modo, former les responsables opérationnels à Paris sur la distinction entre ces groupes, la distinction entre les agendas politiques de ces différents groupes, et surtout comment engager ou pas, hein, des négociations pour intervenir dans des zones où sont présents ces groupes. Donc ton travail consiste beaucoup à faire de la recherche et de la veille sur ces différents conflits, c'est ça? Voilà, donc c'est pour le résumé, ça serait de la veille contextuelle, donc sur le Moyen-Orient, sur les pays du Moyen-Orient, donc suivre les contextes, et notamment les conflits, donc la situation politique, et faire une veille, donc suivre l'activité de tous ces groupes armés non étatiques. Alors, que peux-tu nous dire justement sur ce que tu connais de l'importance que les ONG ont à se former sur ces sujets-là, de façon générale? Bon alors, sur la veille contextuelle, si on parle de sécurité, bon, maintenant toutes les ONG ont ce qu'on appelle des référents de sécurité, donc des gens qui sont basés au niveau des sièges et qui apportent toute une réflexion et toute une aide sur la gestion de la sécurité sur le terrain. Si on parle de sécurité, il faut savoir que la connaissance du contexte, donc des acteurs, les différents acteurs, leur but politique et toute l'analyse de contexte au niveau d'un politique, au niveau d'un pays, ça c'est le premier élément de la sécurité, de la gestion de la sécurité pour les organisations humanitaires. Donc ça c'est un travail que tout le monde fait au niveau de la sécurité. C'est pas juste propre à Médecins sans frontières. Chaque ONG qui travaille surtout en zone de conflit, elle doit apporter une attention particulière à la veille contextuelle et donc à l'analyse de ce qu'on appelle l'analyse de contexte. Comment est-ce que c'est possible de s'approcher d'un groupe armé, mettons djihadiste, islamiste, qui aurait des velléités de s'en prendre directement à des Européens ou voire de cibler, spécifiquement des humanitaires? Moi, je fais une distinction entre les groupes qui sont affiliés à Al-Qaïda et les groupes qui sont affiliés à l'État islamique. D'accord. Après, l'État islamique, il y a encore une autre distinction à faire. Donc, grosso modo, les groupes qui sont affiliés à Al-Qaïda, ils sont pas tant que ça, ils représentent pas tant que ça une menace pour les acteurs humanitaires. Ou, pour le dire différemment, beaucoup moins que l'État islamique. Je veux dire par là que c'est possible de négocier avec un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. C'est possible, il y a plein d'exemples qui ont montré que pas mal d'acteurs humanitaires l'ont fait. Le problème, il se pose avec l'État islamique. L'État islamique, il est apparu en Irak en 2006, il s'appelait l'État islamique en Irak. À partir du moment où la guerre civile a commencé en Syrie, donc ils sont devenus un groupe transnational, ils ont changé de nom en 2013, ils sont appelés l'État islamique en Irak et au Levant, ou l'État islamique en Irak et en Syrie. Quand ils s'appelaient l'État islamique en Irak et en Syrie, donc en 2013-2014, il y avait possibilité pour des acteurs humanitaires de négocier avec eux. Et c'est une partie de l'article que j'ai écrit dans le livre Violence extrême, dans l'article Les pratiques humanitaires de terrain à l'épreuve du conflit syrien 2011-2018, j'explique qu'on est à Kabassine, qu'il y avait différents groupes rebelles qui étaient présents, qui à un moment, l'État islamique en Irak et en Syrie a pris le contrôle de la ville de Kabassine. Et l'émir de l'État islamique en Irak et en Syrie est venu voir MSF, nous a donné un papier, donc garantie de sécurité, papier qui dit MSF peut rester travailler à l'hôpital de Kabassine, peut soigner tous les blessés, donc sans discrimination, et hommes et femmes peuvent rester. Ok. Donc ça, c'était une phase où on pouvait encore négocier. Le problème s'est posé à partir de juin 2014, et même un peu avant juin 2014, parce qu'ils ont commencé à kidnapper des humanitaires. Mais moi, je considère que depuis que l'État islamique est devenu État islamique, quoi, depuis qu'il s'est autoproclamé et autonommé État islamique, ça c'est mon avis à moi, ça n'engage que moi, on ne peut pas négocier avec ce groupe. C'est un groupe qui est totalitaire. C'est un groupe qui accepte pas d'autres aides humanitaires que celles qui peut fournir aux civils. C'est un groupe qui est hyper violent. Et malgré tout ce qui a été, après tout ce qui a été médiatisé de tous les crimes qu'il a commis, parce que je sais que c'est toujours les mêmes choses, hein, quand on parle des États islamiques en Syrie, les Yazidis. Oui, c'est très très grave ce qui s'est passé avec les Yazidis. Bon, on a commencé à en parler surtout quand il y a eu des crimes vers les Yazidis. Mais moi, je tiens toujours à souligner que les principales victimes de l'État islamique en Irak et en Syrie, et l'État islamique à partir de 2014, c'est des musulmans sunnites irakiens et syriens. C'est eux les principales victimes de l'État islamique. Et pour moi, il n'y a rien à négocier avec ce groupe. C'est pas possible de négocier avec ce groupe de la connaissance que j'en ai. Mais je vais me justifier pourquoi je peux pas, je pense que je considère qu'on peut pas négocier. Il y avait Ronnie Broman qui avait défini un triptyque pour expliciter ce qu'on appelle l'espace humanitaire. Ouais. La première chose, c'était est-ce qu'on peut faire une évaluation indépendante sans qu'il y ait quelqu'un qui vous impose une contrainte? Donc, avec les États islamiques, on peut pas faire d'évaluation indépendante. C'est pas possible qu'ils nous donnent un accès, qu'on puisse faire une évaluation des besoins indépendante. Ça, c'est pas possible. Le deuxième problème qui va se poser, c'est la délivrance de l'aide. Il y aura forcément l'État islamique qui va vouloir récupérer cette aide, ce qu'ils faisaient à l'époque, quand ils étaient en Syrie, qu'ils avaient le contrôle territorial. Il y avait des ONG qui envoyaient de l'aide, notamment le PAM et d'autres. Hein. Ils enlevaient les cartons du PAM et ils mettaient des cartons de l'État islamique. Et le troisième gros problème qu'ils vont poser, ils vont jamais permettre, s'ils autorisent une ONG à intervenir, ils vont jamais permettre à cette ONG, ils vont jamais lui permettre de vérifier la destination de l'aide. C'est-à-dire que les bénéficiaires à qui devait arriver cette aide, elle leur est bien arrivée. Donc voilà, en m'appuyant sur ce triptyque, je peux dire qu'il n'y a rien à négocier avec l'État islamique. C'est pas possible. Est-ce que ça veut dire que les zones contrôlées par l'État islamique sont des zones où il n'y a pas de possibilité d'intervenir en tant qu'humanitaire? Il y a des choses qui se font, il y a des négociations sur certaines zones qui sont possibles, mais moi, si on me pose la question, hein, si on me dit oui, est-ce que tu serais prêt à aller ou à envoyer des gens en zone tenue par l'État islamique, moi, j'enverrai personne. Parce qu'au-delà de tout ce que je viens d'exposer, depuis que je les suis, je sais qu'il y a un énorme roulement au niveau des émirs, donc des responsables locaux de l'État islamique. Et un accord de sécurité qui va être négocié avec un de ces émirs, il peut très bien, très vite, être remis en question dès que cet émir en question est remplacé par un autre émir. Donc voilà, il y a pas mal de composantes qui font que c'est un exercice périlleux. Et même dans lequel je m'engagerai pas. De ce que je connais. Hein. Mais du coup, ça pose question effectivement sur cette possibilité d'aide humanitaire. Là, on parlait sur des organisations internationales. Si je reviens sur la Syrie et sur l'anecdote que tu donnais justement dans ton podcast, donc je rappelle Médecins sans frontières avec Europe 1, un podcast qui s'appelle Première ligne, où tu décris cette opération clandestine, tu fais le constat aussi qu'il y a déjà énormément d'associations qui agissent en local, des associations syriennes. Est-ce que tu Oui. quel est le rôle finalement d'une grosse ONG comme Médecins sans frontières quand elle intervient dans une zone où il y a déjà énormément de solidarité locale, si je puis dire, ou en tout cas d'organisations qui sont mises en place pour répondre aux besoins sur place? Oui, alors là, je vais faire une petite parenthèse sur la solidarité locale. Donc, on est toujours dans ombre et lumière, hein. Donc, la lumière, c'est les ONG internationales qui débarquent dans un conflit comme la Syrie et qui déploient leurs activités. L'ombre, c'est le fait que dans une zone de conflit, mais aussi dans une zone catastrophe naturelle, hein, les gens qui sont là et qui vivent sur ces lieux de conflit ou de catastrophe naturelle, ils n'attendent pas qu'une ONG internationale arrive pour délivrer de l'aide. L'aide, elle s'organise déjà localement. Et c'est principalement les locaux qui vont développer cette aide d'un point de vue local. Une des spécificités du contexte syrien, c'est que les Syriens eux-mêmes se sont spécialisés sur la création de nouvelles organisations humanitaires, mais exclusivement syriennes. Après, il y a une raison hein, qui est liée à ça, c'est que bon, non seulement, comme je viens d'expliquer, les locaux, en général, ils n'attendent pas que les organisations internationales elles viennent pour délivrer de l'aide, mais en plus de ça, dans le conflit syrien, très vite, à partir de 2014, surtout, s'est posé le problème de l'accès des expatriés, donc du personnel international des organisations humanitaires. Et pour pallier à ce déficit d'accès, il fallait passer par des Syriens, parce que les Syriens, ils ont toujours accès à la Syrie depuis la Turquie. La Turquie, de façon, je dirais, naturelle, elle autorise des Syriens à vivre en Turquie, mais aussi à traverser la frontière d'un point de vue légal avec un passeport pour aller en Syrie fournir de l'aide. Ce qui est beaucoup plus dangereux pour un expatrié. Après, il y a une responsabilité aussi légale de la Turquie vis-à-vis des ressortissants des différents pays. Si elle laisse, en gros, elle devrait endosser la responsabilité d'avoir autorisé des étrangers rentrer en zone de conflit. Donc du fait de l'accès, il y a aussi l'accès a permis à pas mal de Syriens d'être les principaux acteurs de l'aide humanitaire en Syrie. Et ça, c'est quelque chose que tu vas retrouver, j'allais dire, systématiquement dans différents terrains humanitaires, des ONG, comme tu disais, qui agissent, enfin, des associations qui agissent déjà en local pour répondre aux besoins. Après, bon, là, je vais dire des propos que j'assume, hein, il n'y a aucun problème, hein, je les assume totalement. Grosso modo, hein, dans le monde de l'humanitaire, on considère que les organisations internationales occidentales, c'est surtout elles qui délivrent de l'aide humanitaire, et on a tendance, mais même au sein des organisations humanitaires occidentales, à marginaliser, voire, ostraciser les petites ONG locales ou les petits réseaux d'aide qui se sont développés dès les premières minutes. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Est-ce que ça peut entraîner justement de la défiance vis-à-vis des grandes organisations à l'international, comme on en a parlé tout à l'heure avec le Congo et la crise Ebola? Ou est-ce que ça peut nuire tout simplement à l'aide humanitaire en fait? Parce que ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des grandes organisations internationales qui ne veulent pas être en partenariat avec des associations locales pour répondre à un besoin? En urgence, donc dès qu'il y a un déficit d'accès, là, un des modes d'intervention, ça va être le partenariat. Donc, on va passer par des partenariats. C'est ce qui se fait beaucoup en Syrie. En Syrie, il y a de nombreux acteurs internationaux qui sont basés en Turquie et qui passent par du partenariat avec les ONG syriennes pour intervenir en Syrie. Mais encore une fois, c'est un peu un cas particulier parce que le conflit s'inscrit dans la durée. Très vite, s'est posé le problème de l'accès du personnel international. Et donc, pour pallier à ça, c'est l'accès qui est toujours possible pour le personnel syrien. Donc, grosso modo, ça a été un peu ça a été un peu une voie obligée pour les organisations internationales. Ce qui se pose en dehors des zones de conflit, hein, ce qui se pose en général, c'est le déséquilibre économique. Je veux dire par là qu'une ONG internationale, elle vient avec des moyens financiers qui sont considérables comparé à des organisations locales. Et souvent, en temps de crise, que ce soit un conflit ou une catastrophe naturelle, les gens, ils ont plus de ressources financières. Et donc, ils vont aller essayer de travailler avec l'ONG internationale parce qu'il y a ce déséquilibre financier qui fait que l'ONG internationale qui vient de l'étranger, elle vient avec cette capacité financière que vont pas toujours avoir les ONG locales. Est-ce que toi, tu vois d'autres points que tu aurais aimé aborder justement sur cette thématique ombre et lumière dans l'aide humanitaire? Oui, j'ai d'autres points. C'est toujours dans ombre et lumière, c'est que très souvent, du côté de la lumière, on va placer les expatriés. Oui. Comme si l'expatrié, quand il revient de Syrie ou je sais pas, du Congo ou d'Haïti, comme si sa parole était plus légitime qu'un staff national. Alors que l'expatrié, l'expérience de l'expatrié, alors je parle d'intervention d'urgence, hein, son intervention elle est limitée dans le temps. Ça va être 1 mois, ça va être 3 mois, ça va peut-être être 6 mois. Alors que nos staff nationaux, et là je pense à nos collègues syriens, moi j'ai des collègues en Syrie, je les connais depuis 2012. Depuis 2012, ils sont en Syrie. Depuis 2012, ils travaillent dans notre hôpital en Syrie. Et c'est un engagement qui s'inscrit beaucoup plus dans la durée. Mais c'est un engagement qui est très souvent du côté de l'ombre. C'est-à-dire qu'on va pas forcément faire des activités de communication de nos projets autour de nos collègues qui sont des locaux, donc des nationaux, en l'occurrence là des Syriens, qui travaillent depuis des années dans le conflit. On va souvent privilégier la parole de l'expatrié. Après, il y a des éléments que je peux comprendre. Parce que des fois, la com va vous expliquer que oui, mais le donateur a besoin de s'identifier, donc il faut faire parler quelqu'un qui lui ressemble. Mais d'un point de vue pragmatique, l'engagement d'un personnel national, donc ici là en l'occurrence pour la Syrie, pour un Syrien, il s'inscrit beaucoup plus dans la durée qu'un personnel expatrié. Et au niveau de la prise de risque, pour toujours rester sur la Syrie. Mais les Syriens, ils vivent en zone de guerre et depuis des années. En l'occurrence, mes collègues syriens vivent en zone de guerre depuis des années. Après, nous, on prend toutes les mesures pour pas les exposer hein, au danger. Mais voilà, c'est pas les mêmes réalités. C'est pas les mêmes réalités. L'expatrié, il va vivre de façon temporaire cette expérience en zone de guerre. Mais grosso modo, il a toujours cette porte de sortie qui va rentrer en France, et donc il va retrouver un pays où il y a de la sécurité, un pays où il n'y a pas de conflit armé. Alors que nos collègues, depuis des années, ils vivent en zone de guerre. Ça c'est un point qui est jamais trop souligné, mais effectivement, en France, on a un peu cette image de l'humanitaire qui est un occidental, alors que la réalité, c'est que ce sont quand même principalement des acteurs, enfin, du staff national, on appelle ça staff national, ou en tout cas des nations. On utilise le vocabulaire expatrié, staff national, mais la grande majorité des gens qui fournissent l'aide, qui viennent d'une ONG internationale ou d'une ONG locale, c'est des locaux. C'est l'immense majorité. L'expatrié, c'est une minorité. Mais c'est l'expatrié qui est mis en avant, qui est mis sous les projecteurs. Il y a tous ces travailleurs de l'ombre qui sont la grande majorité des pourvoyeurs des opérations de secours. Donc si tu devais t'adresser à des personnes qui veulent se lancer dans l'humanitaire, quel conseil est-ce que tu leur donnerais? Ben, déjà, je leur dirais que c'est un engagement. C'est un engagement dans le sens où c'est pas quelque chose où on se dit, ah ben je pars à l'aventure. Quoi, comment dire ça? C'est un engagement professionnel. Je veux dire, nous, les humanitaires qui travaillons dans l'humanitaire, on est des professionnels et tout se fait de façon professionnelle. C'est pas un épisode d'amateur, je dirais. Ouais, je dirais que quoi. Le conseil que je donnerais, c'est que il faut se professionnaliser pour travailler dans ce monde-là. Et il faut avoir un engagement personnel assez fort, parce que si on n'a pas d'engagement assez fort, déjà initialement, on dure pas dans l'humanitaire. Après, C'est un engagement qui demande pas mal de sacrifices, hein, parce que faut quitter son confort, faut quitter sa famille, faut quitter ses amis. Mais en même temps, voilà, comme je racontais la première partie de mon engagement humanitaire, c'est des missions qui s'enchaînaient. Voilà, c'est des missions qui sont pas forcément très très longues. Bon, je sais qu'il y a d'autres ONG où les gens partent plus longtemps. Mais en l'occurrence, chez MSF, c'est pas des missions qui sont très très longues pour les gens. On leur demande de partir 6 mois pour leur première mission. Mais ouais, moi, l'attention particulière que je porterai, c'est de garder en tête que voilà, on est des professionnels. C'est pas des amateurs qui partent et qui innovent une fois qu'ils sont sur le terrain. Il y a tout un amoncellement de différents professionnels dans différents domaines qui vont faire qu'on en arrive là. Et ce que je viens de raconter, c'est dans cette lignée, hein, le fait que MSF fait le diagnostic qu'il y a une réduction de l'espace humanitaire, de plus en plus de problèmes de sécurité qui sont posés par des groupes. Mais du coup, on va porter une attention particulière à mieux connaître ces groupes et donc on va se professionnaliser sur cette connaissance. Donc, ouais, voilà, je vais surtout dire que c'est pas un monde d'amateurs, quoi. C'est vraiment un travail à part entière. Ouais, c'est important de le souligner. On part pas faire de l'humanitaire comme ça. On parlait tout à l'heure un petit peu de l'arche de Zoé, justement, et de toutes les dérives que ça pouvait Ouais, après, oui, je comporter. sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire des vacances solidaires ou des ateliers, je sais plus comment ça s'appelle, des ateliers où ils vont aller construire une école en Afrique. Moi, quand je parle de l'humanitaire, je parle pas de ça. Moi, je parle vraiment de rejoindre une organisation humanitaire qui existe, qui est connue, qui a des activités sur le terrain et donc. Je parle de ce type d'humanitaire. Je parle pas de voyage solidaire ou autre, parce que pour moi, c'est encore ça. Pour moi, c'est autre chose. Complètement. Mais pour faire de l'humanitaire comme on l'entend et comme tu le décris souvent dans les podcasts, oui, il faut. Moi, le principal conseil que je donnerais, c'est que on est des professionnels. Il faut se professionnaliser. Après, je sais que c'est très difficile pour des étudiants de décrocher leur première expérience. Après mon exemple, il est assez révélateur. Hein. Moi, je voulais travailler pour MSF. Quand j'ai eu un coup de foudre pour MSF, quand j'étais étudiant, MSF, la première fois que je les ai contactés, que je leur ai envoyé un CV, ils m'ont dit, grosso modo, écoute, petit, reviens quand tu auras 2 ans d'expérience. Et ce que j'ai fait, c'est ce que font pas mal de personnes. On passe par une autre ONG, une plus petite ONG, et in fine, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Mais je sais, parce que je suis toujours en contact avec des étudiants, que c'est toujours aussi compliqué de décrocher sa première mission. C'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Mais c'est compliqué aujourd'hui, et ça l'était à mon époque quand j'étais étudiant. Moi, je me rappelle dans ma promo à IFED, c'était compliqué de décrocher sa première expérience. Ouais. Ouais, et puis ça l'est toujours. Et puis, mais c'est important de le souligner, les ONG attendent effectivement des personnes qui sont engagées, qui sont expérimentées. Et pour connaître des personnes qui sont parties avec des ONG sur certains terrains sans avoir particulièrement d'expérience préalable, il faut se méfier des terrains sur lesquels on part. On ne peut pas partir sur n'importe quel terrain. Je pense vraiment sur les risques sécuritaires. C'est vraiment des choses à ne pas négliger parce que c'est vraiment un coup à se foutre en l'air la santé mentale. C'est vraiment, y a un risque aussi dont on ne parle pas beaucoup. C'est ça aussi. C'est l'impact psychologique que ça peut avoir Ah d'intervenir oui, dans des contextes pareils. partir en zone de conflit, c'est partir souvent dans un endroit où on va perdre ses repères. Après, suivant la personnalité des gens, suivant le vécu, on y fait face de façon plus ou moins, on arrive à faire front, à faire face à tout ça. Mais après, voilà, quand j'insiste sur le professionnalisme, on a aussi ce professionnalisme au niveau de la sécurité où il y a tout un arsenal de mesures qui sont mises en place pour garantir la sécurité de nos équipes et de nos structures. Donc, ouais. Et le conseil aussi que je donnerais, c'est que c'est bien pour des étudiants, hein, qui veulent faire du humanitaire d'avoir un engagement associatif. Ça, c'est toujours un plus quand on postule. Moi, Là, je raconte mon histoire de MSF, mais moi, j'ai été bénévole à la CIMADE. J'ai accompagné des migrants pour faire tout ce qu'on appelle la domiciliation, pour rédiger leur parcours de vie pour l'OFPRA. Je les ai amenés à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, pour ceux qui avaient des enfants, quoi. J'ai ce type d'engagement associatif aussi. J'ai pas que du MSF. Ça, c'est important de le préciser aussi, la solidarité, elle se fait pas que à l'étranger, quoi. Elle peut démarrer aussi en bas de chez soi. Ouais. Et aussi, j'ai été aussi éducateur spé, j'ai été éducateur en MECS, en maison d'enfants caractère social, j'ai été éduque de rue, quoi. J'ai fait d'autres choses que du MSF, même si MSF, ça a toujours été mon principal fil conducteur dans ma carrière professionnelle. D'accord, ça a été c'est ton premier métier, c'était éducateur spécialisé? Non, non, non, moi Non? j'ai fait des études pour faire de l'humanitaire. Donc mon premier métier, c'est humanitaire, même si c'est générique comme terme. Mon premier métier, c'est humanitaire, mais j'ai eu des phases où j'ai voulu travailler dans le social en France. Et donc je suis devenu éduc par la suite. J'ai travaillé avec j'ai été bénévole à la CIMADE, mais mon premier métier, c'est C'est humanitaire. l'humanitaire. J'ai fait des études pour ça, ouais. Ok. Bah en tout cas, merci beaucoup pour ce partage et pour ton parcours. J'espère que tu vas pouvoir continuer dans ta voie. Et je te remercie beaucoup pour toutes ces informations que tu as pu donner pour les personnes qui nous écoutent. Ah, c'est toujours un plaisir de partager. Et bah peut-être pour une prochaine fois, on se refera un épisode spécial. Ça marche. Bah parfait. Merci beaucoup pour cet échange, Hakim. Dorian, c'est moi qui te remercie. Passe une très bonne journée. Bonne journée, merci. Salut. Salut. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périplehumanitairetoutattaché.com. Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.